La corrida n'aura pas lieu, le matador est amoureux. Et sa femme, et sa femme, et sa femme, mes amis. Et sa femme, et sa femme, elle lui gâche sa vie. Tous les dimanches à 4 heures, elle pleure. Du lundi au samedi, elle prie. Elle occupe la chapelle et abruti d'appel les saints du paradis. Pour que les taureaux ne soient mis à mort que dans la boucherie. Nous avons tous une femme, une mère, une sœur. Et son épée, olé. Avant d'aller à confesse, elle le tue de caresses, l'étouffe de baisers. Alors le toréador, bien entendu, s'endort épuisé. Nous avons tous une femme, une mère, une sœur. Pour la gloire, il part. Il court, il vole au combat. Anda, là qu'il est grand, qu'il est beau, les aficionados sont contents. Mais le taureau ne sort pas dans toute la plaza. On attend. La corrida n'a pas eu lieu. Le matador est amoureux. Et l'amour, le taureau n'a pas tort. Et l'amour, ça vaut mieux que la mort.